Bouyman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. Le calendrier de passation de l'examen d'État pour les classes terminales du poste fondamental n'est pas encore rendu public. Les informations irrelatives qui circulent sur les réseaux sociaux sont fausses, nous dit le porte-parole du ministère de l'Éducation. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et la collecte des cotisations en argent organisée par le CNDD-FDD en fin de semaine dernière sont légales et ne concernaient que les militants de ce parti. Vous entendrez à ce propos les précisions du commissaire à l'information dans ce parti. 12 ans après l'adhésion du Burundi à la communauté est-africaine, le Burundi a mis en œuvre pas mal de préalables pour être au même niveau que d'autres pays membres. Léontine Nzeyimana, la députée burundaise à l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous en parlera largement puisqu'elle sera l'invitée de ce journal. Et ce 22 juillet, c'est un jour de triste anniversaire pour le groupe de presse Iwachu, puisque cela fait 3 ans que son journaliste Jean Bigirimana a disparu dans des circonstances non encore élucidées jusqu'aujourd'hui. Voilà pour les grands titres. Isanganiro. Bonjour, je venais de vous le dire, ce 22 juillet est un jour de triste anniversaire pour le groupe de presse Iwachu. Cela fait 3 ans que son journaliste Jean Bigirimana a disparu en zone Bugarama de la commune et province de Muramvya, dans des circonstances non encore élucidées jusqu'aujourd'hui. Notre confrère Jean-Louis Grimana est sans nouvelles depuis sa disparition, c'était le 22 juillet 2016. L'enquête sur sa disparition n'a rien donné jusqu'aujourd'hui, indique le journal Iwachu, qui avait intenté un procès contre X. Sa femme vit actuellement en exil au Rwanda à la suite des menaces de mort qu'elle dit avoir subies. Le calendrier de passation de l'examen d'État pour les classes terminales du poste fondamental n'est pas encore rendu public. Lors d'un point de presse vendredi dernier, le porte-parole du ministère de l'Éducation a fait savoir que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de ce programme sont fausses. Djuma Edouard dit que ce calendrier sera bientôt publié. Suivez-le, il est au micro de Marie-Claire Cazeneza. La question en rapport avec le programme de préparation de l'examen d'État qui est en cours de circulation sur les réseaux sociaux. Je voudrais ici rappeler que au niveau du ministère, on n'a jamais utilisé ce canal pour envoyer les programmes des examens, des évaluations nationales. Jamais. Même si des textes peuvent circuler sur WhatsApp, c'est toujours après qu'on ait rendu public ces informations par voie officielle. Je voudrais demander donc d'être prudent, de ne pas vous fier à ce qui est en train de circuler et d'être patient parce que sous peu, effectivement, le programme concernant l'examen d'État pourra être publié de manière officielle. Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation. Les militants de différents partis politiques dans la province de Bobanza ont une bonne cohabitation entre eux, comme l'indique le gouverneur de la dite province. Terence Nobus Butoyi ajoute que même les membres des partis politiques, parfois arrêtés, le sont pour tenue illégale de réunions, des rencontres avec les leaders des différents partis politiques sont également tenus en vue de se préparer aux élections de 2020. Terence Nobus Butoyi est au micro de Vestine Butoyi. Ce que je constate, que les partis politiques vaquent normalement à les occupations dans une fête de collaboration au niveau de notre province et je dois les encourager à aller de la même manière pour les jours qui vont venir parce que les élections aient lieu. Il y a des membres du parti CNL arrêtés et même emprisonnés, accusés de tenir des réunions illégalement. Comment vous résolvez ce problème? Ça c'est vrai, je dirais qu'au niveau de notre province, surtout au niveau de la commune de Gihanga, les membres du parti CNL, ils font des réunions clandestines, surtout la nuit. Si vraiment des réunions se font la nuit, là on comprend que ce ne sont pas des réunions qui nous conduisent à rétablir la sécurité et la paix. Je crois que nous devons en tout cas, telles réunions, les empêcher, que ce soit pour le parti CNL ou d'autres partis. Et les appelons à venir chaque fois qu'ils ont besoin de faire des réunions, et nous informer, et comme ça, il n'y aura pas vraiment de problème au niveau de la tenue de la réunion. Quel quel conseil pourriez-vous donner à l'endroit de ces différentes partis politiques en vue de se préparer aux élections 2020? Ils doivent donc collaborer car nous devons préparer des élections libres, apaisantes pour chacun. Et d'ailleurs, nous avons mis une plateforme provinciale laquelle va étudier certains problèmes qui vont surgir. C'est un appel aussi pressant pour que chacun travaille dans la légalité et comme ça, il n'y aura pas de problème. C'était Terence Nobus Boutoyi, c'est le gouverneur de la province Bubanza. Certains habitants de la ville de Bujumbura dénoncent les contributions qui leur ont été exigées par les membres du parti CNDD-FDD vers la fin de la semaine dernière. Les habitants de certains quartiers disent que les membres du CNDD-FDD se sont introduits dans leur ménage pour leur demander cette contribution qui serait destinée à la campagne de ce parti. Le commissaire chargé de la communication au sein du parti CNDD-FDD confirme que cette activité de collecte des contributions a été organisée. Nancy Ninette Moutoni dit que cet exercice se fait chaque année, mais que seuls les membres de ce parti sont concernés. Oban Nyonguru. Les habitants de certains quartiers où nous sommes passés, comme Charama ou dans les zones de Kamenge ou Kanyosha, confirment qu'ils ont été exigés de payer cette contribution du parti CNDD-FDD soit ce samedi ou soit ce dimanche. Ceux qui s'y étaient opposés arguant que le président de la République a suspendu toutes les contributions aux élections disent avoir reçu d'autres explications selon lesquelles cette nouvelle contribution différait de celle qui a été suspendue. Les habitants des localités susmentionnées indiquent qu'ils ont été informés que cette contribution était destinée à financer les élections de 2020 pour le compte du parti CNDD-FDD. Le commissaire chargé de la communication au sein de ce parti confirme que cette activité de collecte de contributions s'organise chaque année. Nancy Ninette Moutoni dit également que cette contribution est exigée uniquement aux membres de ce parti et qu'elle est destinée à financer les activités de ce parti. Pour ceux qui se plaignent qu'ils auraient été obligés de donner cette contribution alors qu'ils n'étaient pas membres du parti CNDD-FDD, Nancy Ninette Moutoni leur demande de se confier à l'administration. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les habitants de la colline Karurama, où est installée l'usine de fabrication de ciment Buseko, demandent aux responsables de cette usine de prendre des précautions afin de limiter la pollution qui nuit à leur santé. Le gouverneur de la province Cibitoke trouve fondée ces lamentations et demande lui aussi aux responsables de cette usine de réagir. L'assistant du directeur de cette usine promet de répondre à ses doléances à la fin du mois d'août de cette année. Correspondance d'Alexine Dairagic. Ces habitants environnant l'usine Buseko de Karurama dénoncent la pollution de l'air ici de cette usine qui peut être nuisible à leur santé, à la santé de leurs enfants. Ceci a été dit dans la rencontre entre cette population, le gouverneur de la province Cibitoke et l'assistant du directeur de l'usine Buseko dans la soirée de ce vendredi. Après cette pollution, ces habitants de Karurama demandent la réduction du bruit des machines de cette usine et la construction de la route partant de la route goudronnée Bujumbura Cibitoke vers cette usine et la canalisation des eaux des pluies en provenant de l'usine Buseko. Concernant cette pollution, le gouverneur de la province Cibitoke, Joseph Iteriteka, lui aussi affirme que c'est un danger pour sa population en demandant aux responsables de cette usine de prendre des précautions afin de limiter cette pollution. Sur les sollicitations des habitants de Karurama, il a installé l'usine Buseko, demandant la suspension des activité en attendant que le doléance et solution, le gouverneur de la province Cibitoke a indiqué qu'il n'a pas cette prérogative. L'assistant du directeur de l'usine Buseko a demandé à ces personnes lésées de se retenir que la solution sera trouvée à la fin du mois d'août 2019. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. 75% des travaux de réfection du rond-point des Nations Unies et une partie de la route nationale numéro 9 ont été faits. Une confirmation du directeur technique de l'entreprise qui fait ces travaux. Selon Marc Rugerinyange, le reste des activités se termine au mois d'août. Mireille Kani. Arrivé au rond-point des Nations Unies, on voit des femmes et des hommes, certains avec des sacs sur la tête, d'autres travaillent le béton. On voit également la bétonnière qui tourne. D'après le directeur technique du groupe AESEK, les grands travaux sont terminés. Ce sont des travaux de réfection du rond-point des Nations Unies qui étaient complètement dégradés. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, ce sont des travaux de bétonnage. Sinon, les terrassements, les ferraillages sont finis et le béton de propriété. Maintenant, on est à plus de 65% des travaux parce qu'il ne reste que la mise en place du béton armé qui est suffisamment avancé. Donc, avec le mois d'août, nous comptons terminer les travaux, bien que ça doit se terminer au mois de septembre. Pas de défi majeur à l'avancement de ces travaux, se réjouit Marc Rugerignangue. Il n'y a pas de défi majeur parce que les travaux qui étaient difficiles sont terminés à 100%. Il ne reste que ce bétonnage et le matériel est sur place. Les matériaux sont là. Je ne m'inquiète pas de l'avancement des travaux. C'est satisfaisant par rapport au temps qui nous est imparti. Autre travaux à ce rond-point, c'est le débouchage d'un canal des eaux venant de ce rond-point jusqu'à la rivière Nahangwa. Mireille Kanyangue, je vous l'avais dit en titre, le Burundi a mis en œuvre pas mal de préalables pour être au même niveau que d'autres pays membres de la communauté est-africaine. C'est notamment le taux d'inflation global de 8%, un déficit budgétaire de 3%, les appuis extérieurs inclus. 12 ans après l'adhésion du Burundi à cette communauté, Léontine Nzeyimana est députée burundaise à l'Assemblée législative de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui donne ses précisions, trouve cependant que le Burundi a connu des difficultés en ce qui concerne la réduction des dettes publiques, surtout à la Banque centrale, suite aux partenaires financiers du Burundi qui se sont retirés. On l'écoute. Nous avons mis en application ce que les autres avaient déjà signé parce que nous avons accepté tous les accords qu'ils avaient déjà signés. Puis nous avons attrapé les autres parties du protocole du marché commun. Et puis nous avons avancé. Jusqu'à présent, nous sommes au même niveau. Pour une intégration effective d'un pays, il y a des préalables, notamment en ce qui concerne l'union monétaire et l'union douanière. Qu'en est-il du Burundi? Les piliers de l'intégration au niveau de la communauté est-africaine. Nous avons d'abord l'union douanière, puis nous avons le marché commun, puis l'union monétaire et la confédération politique. Pour le moment, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites au niveau de la Banque centrale, au niveau de la création du marché des capitaux, au niveau de l'harmonisation des systèmes de paiement, ça je suis sûre. Et au niveau régional, il y a des lois qui ont été passées par rapport à la mise en place des instituts monétaires qui se chargera de la réglementation des budgets et de la côté dette de l'État. C'est le travail en cours. Et ce qui se passe ici, ce n'est pas unique au Burundi, même d'autres pays ils ont le même problème d'avoir des dettes. L'État prête toujours des fonds à la Banque centrale. La députée burundaise à l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Léontine Nzeyimana, sera l'invitée de la rédaction à la fin de ce journal et elle répondra aux questions de l'Inibel Nibigira. Également dans l'actualité, tout pêcheur burundais ayant exercé temporairement en RDC, la République démocratique du Congo, doit impérativement passer par le poste de surveillance contre Ebola avant d'accoster de nouveau sur les plages burundaises. Le responsable du port commercial de Rumonge dit que c'est pour se prévenir de toute entrée sur le sol burundais de cette maladie rapportée dans le Congo voisin. 4 bateaux de pêche ont dû passer par cette voie ce lundi matin. Jean-Pierre Misago. Une patrouille du responsable du port de pêche de Rumonge, en collaboration avec le comité des pêcheurs de Rumonge, était en cours à la plage de pêche de Rumonge ce lundi matin. Il s'agissait d'identifier tout bateau de pêche qui avait accosté à cette plage ce lundi matin, alors qu'il avait passé en République démocratique du Congo toute la période de pleine lune au Burundi. Ce sont les personnes à bord de ces bateaux à qui on ordonnait de passer au préalable au port commercial de Rumonge d'à côté, disposant d'un poste de surveillance contre l'Ebola. Le responsable du port commercial de Rumonge dit qu'il s'agit d'une action visant de se prévenir contre toute entrée sur le sol burundais de la maladie à virus d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, cette opération menée à la plage de Rumonge concerne toutes les plages burundaises sur le lac Tanganyika et une correspondance irrelative vient de parvenir à tous les présidents des comités de pêche à ces plages et tous les pêcheurs doivent en être informés de ces recommandations lors des réunions. À 9h du matin de ce lundi, 4 bateaux avaient déjà été identifiés pour que les personnes à bord subissent au préalable un test. Jean-Pierre Misago, depuis la plage de Rumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Et on parle du Kung Fu, qui est un sport créé depuis longtemps par les Chinois. Au départ, dans l'objectif de lutter contre les ennemis. Il a évolué au 5e siècle après Jésus-Christ. Le président de la Fédération burundaise de Kung Fu, Yves Nirenganya, fait savoir que le Kung Fu diffère du karaté selon les différents styles pratiqués dans ces disciplines. Les détails, c'est dans cette chronique sportive. Evariste Nzikobanyanga. Kung Fu est le sport d'origine chinoise qui se pratique dans le but de se battre, selon Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu. Le Kung Fu, c'est un terme mondialement connu. Tout le monde connaît le Kung Fu, mais le terme Wushu, c'est rare. Quand on parle de Wushu, on voit directement des arts martiaux chinois. Mais quand on voit le Kung Fu, ce sont les arts martiaux, bien sûr, mais ça englobe beaucoup de choses. Il y a des mots, Kung et Fu. Kung, ce qui veut dire les œuvres. Fu, c'est l'homme. Donc, ce sont les œuvres de l'homme. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pratique, c'est lui qui est en train de faire la lessive, c'est lui qui est en train de lincer. Donc, tout ça, il est en train de faire le Kung Fu avec un objectif précis. Moi, je dirais que le Kung Fu, c'est connu dans des films de Jackie Chan, de Bruce Lee. Tout ça, ça montre des activités avec un objectif qui est précis. Donc, c'est ça le Kung Fu. Mais le Wushu, ce sont l'ensemble des arts martiaux chinois. Et dans les arts martiaux chinois, il y a beaucoup des arts martiaux. Plus de 400 styles qui sont dans le Wushu chinois. Ce président de la Fédération burundaise de Kung Fu explique comment ce sport est pratiqué. Le Kung Fu, c'est l'enchaînement, la combinaison, la façon de se défendre. On essaie d'imiter certains animaux sauvages comme le tigre, le serpent et autres. Quand on est en train de pratiquer le Kung Fu, il y a quelqu'un qui se comporte comme un singe. La façon dont le singe peut se battre, ou bien tous ces mouvements-là sont combinés justement pour représenter le Kung Fu. Malgré l'existence des combats dans cette discipline, Yves Nirenganya précise que le Kung Fu diffère du karaté, même si les deux sports ont l'intention de se protéger. Tous les arts martiaux sont nés sous l'ombre de Shaolin. Il y a des gens qui ont fait leur style, qui se sont adaptés dans des milieux différents. La façon de se battre, la façon d'imiter, de voir des choses guidées par sa connaissance, ils ont créé des styles différents. Comme le karaté est d'origine japonais, le taekwondo est d'origine coréen et aussi le kung fu d'origine chinoise. Moi, je dirais que c'est un rapport d'origine. Tous ces arts martiaux sont venus à part un objectif précis, se défendre, défendre aussi les oppressés. Tous ces arts sont justement pour se battre, pour se défendre. Dans la prochaine chronique sportive, Yves Nirenganya nous expliquera l'usage des différents outils ainsi que le système de comptage de points dans ce sport dit Kung Fu. Merci Évariste Nzikobanyanga. C'est dommage que l'on ne peut pas avoir notre invité. Ce sera pour l'édition de la soirée. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.